Comme tous les soirs, elle est noyée par le désespoir. Elle voulait voir des arcs-en-ciel, mais elle ne voit que du noir. Car elle a trop de problèmes, trop de soucis dans sa vie. Elle n'est pas différente des autres, mais peut-être un peu trop sensible. Elle n'a pas de rêve et pense que sa vie n'en vaut même pas la peine. Alors elle se fait du mal à elle-même, jusqu'à ce que ses bras saignent. Pourtant elle est si jeune et n'a encore rien vécu, man. Mais elle a déjà si mal au cœur et voit que sa douleur ne s'évacue pas. Alors elle continue, continue et continue sans cesse, avalant des médicaments, elle somnole et tombe dans l'ivresse. Elle voulait devenir une princesse, mais les années sont passées. Maintenant elle est tellement remplie de stress que le mal a dépassé. Elle est entassée, blessée et ne peut plus rien effacer. Alors elle vit ce cauchemar qu'elle n'arrive pas à évacuer. Jusqu'au jour où les bras vers le ciel, elle a sauté. Elle aurait simplement voulu qu'un ange puisse venir la sauver. Elle aurait seulement dû réfléchir avant de sauter. Elle aurait simplement voulu qu'un ange puisse venir la sauver. Elle voulait juste que quelqu'un l'aide. Elle attendait les anges, mais les anges sont en nous-mêmes. Quand on est jeune, c'est vrai qu'on se pose trop de questions. Alors on fait des conneries, parce qu'on ne veut même plus faire attention. Elle ne savait plus quoi faire, elle ne savait plus quoi dire. Elle était fatiguée de vivre, alors elle a préféré mourir. Et pourtant tu sais, elle était comme vous tous, ouais. Elle aurait pu grandir et fonder une famille, c'est vrai. Mais elle n'y pensait pas, elle était plongée dans son passé. Pas de place pour le futur quand le présent reste insensé. Alors maintenant elle passera ses années 6 pieds sous terre. Parce qu'aucun ange ne l'a rattrapée avant même de toucher terre. C'était quelqu'un de bien, c'était juste une jeune fille qui aurait compris ce qu'elle quelques mois plus tard que le soleil brille. Elle aurait peut-être eu des enfants avec un mari qui l'aime. Une vie simple mais si belle qu'elle aurait oublié ses peines. Mais un jour elle a levé les bras vers le ciel et a sauté. Elle aurait simplement voulu qu'un ange puisse venir la sauver. Elle aurait seulement dû réfléchir avant de sauter. Elle aurait simplement voulu qu'un ange puisse venir la sauver. Elle voulait juste que quelqu'un l'aide. Attendez les anges, mais les anges sont en nous-mêmes. La vie n'est pas parfaite, on n'est pas forcé de la vivre. Mais je pense qu'elle le mérite et ce n'est pas écrit dans les livres. Regarde autour de toi, toi qui as cette chance d'être en vie. Toi qui as sûrement des proches, une famille, des amis. On ne vit qu'une seule fois, alors autant le faire jusqu'au bout. Et quand tout va mal, il faut se redresser, tenir le coup. On ne sera jamais les plus heureux, ni même les plus chanceux. Mais on est tous uniques sur la terre, dis-moi ce qui peut être mieux. Alors ouvre un peu les yeux, relève la tête et sèche tes larmes. C'est plus joli d'admirer le ciel plutôt qu'une tombe en marbre. Elle aurait dû grandir à aucun cas, vouloir arrêter de vivre. Voici simplement le chemin qu'elle aurait dû suivre. Si elle pouvait réparer ses erreurs, je suis sûr qu'elle le ferait. Pourtant on n'a pas eu cette chance, on n'a qu'une vie, c'est vrai. Mais un jour elle a sauté de cet immeuble, les bras vers le ciel. Elle attendait les anges, mais les anges sont en nous-mêmes, ouais. Elle aurait seulement dû réfléchir avant de sauter. Elle aurait simplement voulu qu'un ange puisse venir la sauver. Elle voulait juste que quelqu'un l'aide. Attendez les anges, mais les anges sont en nous-mêmes. Elle aurait seulement dû réfléchir avant de sauter. Elle aurait simplement voulu qu'un ange puisse venir la sauver. Elle voulait juste que quelqu'un l'aide. Elle attendait les anges, mais les anges sont en nous-mêmes.